dessine. Mais ces mots que je couche sont les premiers que je te destine. Ça me tombe dessus ce soir, alors que je devrais dormir. Je ne pense pas qu'ils puissent me croire, alors demain j'irai leur mentir. Pour leur j'écris cette lettre au destinataire anonyme. Puisse-t-elle s'envoler à des kilomètres au-dessus des toits, au-dessus des cimes. Et tu la recevras peut-être, peut-être pas, ou peut-être en brime. Mais je signe cette lettre aux notes publiques et aux mots intimes. Ce ne sont pas les premiers que ces lèvres délivrent, mais ces mots dans ma bouche sont les premiers qui te font revivre. Puisque je crains d'en dire trop, d'en dire tant qu'ils croient comprendre, alors je vais taire ton nom, taire mes pensées et souffler des cendres. Pour leur j'écris cette lettre au destinataire anonyme. Puisse-t-elle s'envoler à des kilomètres au-dessus des toits, au-dessus des cimes. Et tu la recevras peut-être, mais peut-être pas, ou peut-être en brime. Mais je signe cette lettre. Pour leur j'écris cette lettre au destinataire anonyme. Peut-être pas, peut-être en brime, mais je signe cette lettre aux notes publiques et aux mots intimes.